Qu'est-ce que vous faites présentement pour essayer de battre le record de consommation qu'Hydro-Québec vous demande de battre aujourd'hui? La faites-vous votre part? La pas. Ouais. C'est important avez-vous, de faire sa part en société. Avez-vous des suggestions? Moi, je pense que partir un roast beef, ça peut aider. tu mets la moutarde. Qu'est-ce qu'on met sur un roast beef? Un peu de beurre, un peu de moutarde. Oui. Sel, poivre, les petits oignons. T'attaches avec de la corde. Tu mets ça dans le four. Dans le four avec les petits oignons. Ça peut aider pour les prochaines heures. Là. Mais... Sur le Twitter de RDI, on dit qu'Hydro-Québec révise ses chiffres d'hier sur le record historique de consommation pour le fixer à 39 210 mégawatts et on a un autre record anticipé ce matin. Est-ce qu'on peut collectivement réussir à se rendre à 40 000? Qu'est-ce que vous faites ce matin? Comment? Il est où l'effort de plus? Votre contribution ce matin, ce que vous faites pas d'habitude, puis que là, vous vous êtes dit, l'électricité, notre surplus, on le garde ici, on le dépense, et comment vous faites ça? Ma blonde ça? Me dit qu'elle a 25 serviettes mouillées qu'elle a mis dans la sécheuse. Il était pas sale, mais elle les a lavées, c'est pareil. Ça, 25 serviettes mouillées, ça peut être une bonne demi-heure dans la sécheuse. Là. Elle les a passées à l'eau chaude, oh, c'est oui, ça? C'est ça. En plus. Fait que la sécheuse va rouler en masse. Là. 670-9098, on veut savoir ce que vous faites. Faites-vous votre part ce matin pour qu'Hydro-Québec puisse se péter bretelles puis dire on a battu notre record. Hello, Radio X. Yes, mais disons que j'ai fait ma part. Moi, ma douche, je prends sa douche tout seul. Hein? Hey, là, tu pousses l'exagération loin. Je pensais plus que ça existait, moi, du monde qui prenait le douche tout seul à Québec. Ah, ouais. Non, mais écoute, moi, je suis vos conseils, là. Ben, tu fais bien. Hey, fais bon, ça. Fais-toi un petit extra d'eau chaude. C'est bon. Salut! J'en veux d'autres. Ça peut te faire couler la douche tout seul aussi. Mais ben, tu fais un sauna. Tu prends pas de dans douche. Dans ta salle de bain. Oui. Ça serait bon pour ben les oui, hey, la peau. Un sauna. Oui. Ah, êtes-vous un joueur du Rouge et Or, vous autres? Non, hein? Non, vous pouvez non, pas non. faire la une du journal d'un spa à matin. Hein? Transformez votre salle de bain en spa. Hey, tu peux partir le chauffe-eau de la piscine aussi à matin. Partez vos chauffe-eau. On va le battre à le record. Tu vois, Stéphane sur live, lui a monté son spa de 4 degrés et laisse le couvert couvert. Parfait, bravo, ça. Stéphane. Ça, c'est brillant. Ouais, parce que là, le record qu'on est censé atteindre aujourd'hui, c'est 39 500 mégawatts. Oui. Mais c'est pas assez. Non. C'est pas assez. Je vois plus grand. Ouais. Nous devons voir plus grand. On n'arrête pas de le dire. Au Québec, on doit voir grand. Ouais. Je veux 40 000 mégawatts. Hello, Radio X, fais-tu ta part? Oui, bonjour. La façon la plus facile, puis je suis un connaisseur, vous allez partir tout le monde vos jetons nettoyants sur les poêles électriques. Ouais, l'électronique, le nettoyant de poêle, c'est ce qui tire le plus de courant. Bon. Mais là, ça prend combien de temps là, avant de pogner sa chaleur maximale? Ben, ça va prendre le train là, mais ça va remis pendant 5 heures de temps. OK. Bon, ben, on est capable. On s'ajuste là-dessus. L'auto-nettoyant du four, c'est probablement la meilleure façon de battre le record. Bon. Oubliez pas le roast beef, c'est bien cuit aussi. Oui, si vous voulez partir des roast beef, c'est cuit, là, sec, sec, sec. Là. J'ai une suggestion. Si vous faites partie de ceux qui ont toujours leur lumière de Noël, vous les rebranchez, vous les allumez. Oui, animez, ben oui. Ou si, comme moi, vous les avez débranchés, c'est pas grave. Mettez-les dans le mur, même s'ils sont pas accrochés nulle part. Hello, Radio X, fais-tu ta part? Hello, Radio X? Hello, Radio X, fais-tu ta part? Oui, moi, j'ai décidé de monter la température du garage. C'est bon, ça. À 25, quand il est à 5. C'est une maudite bonne initiative. Salut, merci. C'est grâce à des gars comme toi qu'on va le battre, le record. Yeah. Hey, bravo. Hydro no more. On part un mouvement. C'est Hydro no more ce matin. L'objectif, 40 000 mégawatts de consommation. Jean-Philippe a parti son air climatisé. Isabelle qui nous écrit « Mon lave-vaisselle est en marche, la laveuse et la sécheuse sont en fonction, toutes mes lumières allumées, je passe la balayeuse en même temps que je me fais couler une douche, pour rien parce que je l'ai déjà pris. » On a Jonathan qui chauffe sa maison avec sa sécheuse. Il a ouvert la porte. Il a mis un tape sur la clenche pour la garder en marche. Radio X, fais-tu ta part ce matin pour qu'on se rende à 40 000? Je l'ai fait. Mon char est à frais. Fait que j'ai chauffé l'abri de tempo avec une chauffette électrique. Merci. Le Québec te dit merci. Salut. 670-9098. Live à RadioX.com. Comment on va faire pour collectivement battre le record d'Hydro-Québec à un point tel qu'on pourra plus jamais nous écœurer avec ça. Mec, on repogne moins 40 l'hiver prochain, ce sera un record qui va être inatteignable parce que tout le monde va avoir travaillé fort aujourd'hui. On le ferme ça à boîte une fois pour toutes à Hydro-Québec, là? On a des bons sur live. Mathieu qui a ouvert les portes, les fenêtres, puis qui a mis le thermostat à 25. C'est parfait. Puis il est parti travailler. C'est parfait. Radio X, fais-tu ta part? Ben, je pense que oui, parce que moi, j'ai parti l'air climatisé, fait que j'ai toujours de mettre un chauffage dans le tapis. Les deux. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aime la logique derrière un geste comme celui-là. Salutations à mon ami Hugo qui vient de starter ses côtes levées pour sa soirée de samedi. Oui, hey, c'est vrai. C'est vrai, il y a des soirées qui s'en viennent, là, le hockey. Puis le... La dinde pour Noël l'an prochain. Jamais trop tôt pour préparer le Super Bowl. Au pire, ça refait congeler. Ça refait congeler. Ah oui, hein? Ça fait des restes. Oui. Oui. Il y a trop d'emails, on perd un peu le contrôle. Est-ce qu'il y a des... Bon, est-ce qu'on signale des pannes dans quelques secteurs? Non, arrêtez! Pas encore. Ils ont des surplus. Arrêtez. Bon, ils vendent à gros prix, les arrêtez surplus. Ça. C'est ça qu'ils veulent faire. Hello Radio X, fais-tu ta part? Oui, on fait notre temps certain. Nous autres, on est d'une roulette de construction. On vient de monter le thermostat au bout, de partir de la climatisée, puis on fait virer pour le ground à l'aise. De la part d'Hydro-Québec et de la part de tout le Québec, on vous dit merci. Merci, salut. Salut, merci de faire votre part. Radio X, faites-vous votre part. Ben, quand, moi, j'ai une garderie, fait que les couches lavables, on les lave à matin. C'est le matin des couches lavables, yes sir! T'es fait sécher après? Faut que t'es fasse sécher après, pas le choix. Tu sais, d'habitude, le grand ménage de printemps, où tu laves tous les lits des invités, les couvertes de rechange, je pense que c'est une bonne journée pour commencer ce beau lavage-là. Christian parti, c'est 5 machines de bronzage dans son commerce, c'est parfait. C'est parfait. J'ai le goût d'aller au bronzage un matin. Partez des séchoirs, des salons de coiffeur. Tu sais, les patentes rondes qu'on se met sur la tête. Là. Ouais. Partez ça. Partez ça aussi, c'est bon. Allez, Véro, on va faire notre part, nous autres aussi. Là. Peux-tu allumer les lumières à intensité maximale en studio puis monter ça de 2 degrés? Là. Je vais faire une exception. D'habitude, je travaille dans la pénombre, là, mais à matin, là, les lumières au bout. Tu veux aussi tes lunettes de soleil? Oui, ça pourrait faire du bien. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du monde avec des lunettes de soleil en studio à Radio X le matin. La dernière, c'était France d'amour. Il est 7h43 à Radio X. C'est une vraie histoire en passant. J'invente pas ça, là, c'est arrivé pour vrai. Martin arrose son banc de neige à l'eau chaude ce matin. Ah, c'est bon. Oui, faites partir les bandes de neige. Oui. Ben oui, c'est bon. Les lignes sont encore pleines. Allô, Radio X, fais-tu ta part? Oui, c'est ça. Mon sport roule à 105 depuis 4 jours. Toi, t'es un vrai. Salut. Hydro No More est en marche. Est-ce qu'on a réussi dans les dernières minutes à établir un record qui ne sera jamais battu? Et à partir d'aujourd'hui, Hydro-Québec va nous calistoffer patience quand il fait frais. Jim a transformé sa piscine hors terre en spa. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça arrive souvent. C'est bon, ça. C'est bon. Bravo à Sylvain qui fait couler le bain et qui a pas mis le bouchon. Toute la journée. Hein? Je fais fondre mon banc de neige avec un coussin chauffant. Alain, bonne chance. Encore du monde qui veulent nous parler, les Adelaides. Hydro No More, bon matin, fais-tu ta part? Pas vraiment. Moi, je suis à Charlebourg, puis ça y est, on a la panne de courant. T'es-tu sérieux? Ouais, le réseau vient de sauter. J'ai plus de réseau, j'ai plus rien. Ah ouais, c'est-tu dans toute ta rue, tout le quartier? Ou... Ben moi, je suis Jean Talon, puis mon côté de rue, là, tout est coupé. OK. Il y en a eu depuis hier, là, à certains endroits. Là. Good. Salut! Salut. Salut. Il nous blâme-tu, tu penses? Ben, c'était quasiment un ton accusateur. Ouais, si hein? Vous le faites pour vrai, là, écoute... Arrêtez de penser que Hydro va manquer d'électricité, là. Ils ont des surplus d'électricité. C'est pas vrai. Puis la fille était très claire. T'as-tu entendu l'entrevue que Dom a faite hier avec la porte-parole? Oui. Quand il nous demande ça, c'est pour faire diminuer notre facture. Elle était bien claire, parce qu'il y a personne qui croit qu'on va manquer d'électricité au Québec. Personne qui croit ça. Merci à Pierre qui a éteint son poêle à bois et qui a parti son four à broil à la place. Bon, c'est bon ça, c'est une bonne attitude. Ah. Chauffage à 30 dans la maison, il fait chaud, on ouvre les portes, laveuse sécheuse en marche, four auto-nettoyant, merci à Stéphane. On va le battre le record. Je fais dégeler ma viande pour le souper de ce soir dans ma sécheuse. Bravo Pierre-Luc. Ça peut être le mode de cuisson à la fin du dans tes verres, Ricardo. Il est 7h46. Ouais. Hey, si on n'a pas réussi dans les dernières minutes à établir le record pour Hydro No More, on réussira jamais. Moi, je suis fier de ce qu'on fait le matin ensemble. Ouais, on y repostule des mythes. La marche de la liberté à 50 000 personnes dans les rues de Québec. La fondation de la Nordique Nation. Oui. Et un record de consommation d'électricité. Voilà. D'après moi, on va le péter, le 40 000. D'après moi, il va être pété assez facilement. Hein? Assez facilement. Oui, oui, oui. Faites-vous un high-five collectif, les gens de Québec. Je suis fier de vous autres. Depuis qu'on a flashé les lumières avec Jean-Marc, c'est la première fois qu'on réussit à faire de quoi? Pour déstabiliser Hydro-Québec. Qui vous rappelle cette semaine de pas trop chauffer vos maisons, parce que chauffer vos maisons quand il fait moins 40, c'est dur pour Hydro. Non, c'est ça. D'ailleurs, Buck a fait sa part cette nuit-là. Il a couché dans une chambre pas chauffée cette nuit-là. Fait que, tu sais, on a l'air de niaiser matin, là, puis d'encourager le monde, mais on fait notre part. On fait notre part. Nos enfants font nos parts. Oui. C'est ça, exactement. Il a mis sa petite tour de skidoo pour se coucher ce soir. Il avait un peu les mains bleues, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. 670-9098, 670-9098, laissez passer double pour le film Du plomb dans la tête. Je trouve que le titre est de circonstance ce matin. C'est un film avec Sylvester Stallone. En fait, c'est le retour de Sylvester Stallone, alias Rocky, alias Rambo, ça vous intéresse. 670-9098, j'ai deux, laissez passer double. Pour vous autres, Hydro No More, continuons le combat.